système, ouais. Dealer, merde, dealer, tout système, c'est de la merde. J'aurais voulu avoir la vie plus facile, des chances moins fragiles. Comme la Duchesne par le passé, ma vie se faufile, défile. Je vais pas me mettre à vendre des kills pour pouvoir consommer. Tout ça repose sur un fil qui à tout instant peut céder. Je me laisserai pas posséder, je suis décidé à agir. Je vais pas passer mon existence à courir. Mais tant que je respire, je serai le bâton coinçant les rouages d'un système politique qui nous procure la rage. J'aurais voulu leur faire comprendre à tous ces ministres quel est l'état dans lequel on vit, c'est sinistre. Puis l'école où on nous garde de choses inutiles. Ah ouais. À sa sortie dans les couloirs d'ANPE bloqué dans la file. Tout est prétexte à nous abêtir, nous parler d'avenir. Ils savent aussi bien que moi qu'il y en a aucun. Ça me fait bien rire, donc t'étonnes pas si quand tu me vois j'ai pas le sourire. Ah, ça reflète mes idées et celles de mes sbires. Dealer, merde, dealer. Ce système sème la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système c'est de la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système sème la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système c'est de la merde. Dealer, merde, dealer, que ce système c'est de la merde. Dealer, merde, dealer, que ce système sème la merde. T'as vu la gueule des gens que tu croises devant toi, ils te regardent, te doivent te mettre une note à la craie blanche comme sur une ardoise. T'as les fainasses qui te ramènent les pieds sur terre. Sur terre. Tu fais savoir que dans ce monde, tout part à l'envers. Tu peux brère, faire tes prières, crier au scandale. Scandale. Le système maintient dans ses serres, le chaos, l'épreuve fatale. Mes mots déchirent les corps comme le feraient des balles. Militant pistolero, torero, lexical. Fais gaffe à toi si tu te rapproches trop près du système. Et t'étonne pas de morfler pour ce que t'aimes. Les taux se resserrent et tu commences à devenir blême. Y aurait-il comme un manque d'oxygène? J'aurais pas perdre haleine sur ce thème, c'est pas un poème ni une anathème. Les graines que je sème sont fertiles. Avec ou sans soleil, elles en émanent un champ style et parfois hostile. Dealer, merde, dealer. Ce système c'est de la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système sème la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système c'est de la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système sème la merde, cousin. Dealer, merde, dealer. Ce système sème la merde. Dealer, merde, dealer. Ce système c'est de la merde.